France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 133. Bienvenue à toi dans ce monde archi loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 19 octobre 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine dans Panique au Mangin Palace, tu vas découvrir comment Édouard Balladur cherche à relancer la pratique de la sieste. Tu vas mieux comprendre les conséquences de la ruée vers l'or. Tu vas réellement saisir ce que signifie bosser le dimanche. Tu vas nager parmi les requins de la mafia. Et bien sûr, tu vas savoir où ils ont trouvé toute cette thune pour le plan européen qui doit sauver le monde de la crise financière. 300 milliards d'euros, rien que pour la France. C'est bien, oui, mais... vous disposez des mêmes moyens, par exemple pour les ouvriers de Renault Sandouville? Pareil pour Sandouville, on va mettre le paquet. 300 milliards? Non, 300 bus de CRS, on envoie. Et tout neuf, hein? Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser ici un bobarnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre sacerdoce consiste à t'offrir autant que possible un diaporama sonore, modeste mais déjanté contre le triomphe de la morosité. Voici donc la liturgie de notre joyeuse cérémonie. Eh bien, pêle-mêle, nous croiserons d'étranges braqueurs de banque qui jonglent avec les milliards, puis nous découvrirons comment deux curieux chasseurs de mafieux se sont pointés cette semaine à l'INA. Dans la foulée, nous irons à Malingreville, commune limitrophe de Grosboul-les-Bains, où le week-end dernier, Monique et Jean-Claude sont allés à la rencontre de leurs voisins qui, eux, sont déjà au turbin le dimanche depuis plusieurs mois. Et juste après, grâce à notre facétieux reporter, nous tenterons de percer le mystère du coffre-fort. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et face à la crise, ne t'épargne pas. Let's Super Freak, c'est ce que nous annonçait Rick James en 1981. Remarque, Super Freak, c'est sans doute ce qu'ont également pensé ces dernières semaines ces trois joyeux traders qui ont fait mumuse en plein krach boursier, avec au final une note de 600 millions d'euros pour l'écureuil. Eh ben, bel esprit à la caisse d'épargne. Ouais, c'est du pognon. Ouais, c'est du pognon. Mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Alors, désormais, cher ami, tu connais le mode d'emploi. Après t'être trémoussé, tu te vautres maintenant confortablement et dans la foulée, amorçons ensemble les modestes péripéties de ce 133e épisode du Mangin Palace par notre traditionnelle session freudienne. Oui, comme d'habitude, avec Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, nous avons à nouveau cette semaine poursuivi notre chasse à l'inconscient fourbasse qui se planque dans le discours politico-médiatique. Comme chacun sait dorénavant, il y a le dit et le non-dit. Ainsi, découvrons notamment ce matin le retour des symptômes narcoleptiques de la pensée balladurienne et la continuité des syndromes apathiques de la réflexion solférinienne. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille car voici pour toi l'infratexte des discours de ces derniers jours, ainsi soit-il. Et dans Balladur, une réunion débute en ce moment même à l'Elysée avec les 15 membres de l'Eurogroupe. Que faut-il en attendre ? Est-ce le début ou la fin de la crise ? On ne sait pas. Nous allons voir les décisions qui vont être prises. Et à partir de là, nous verrons l'effet qu'elles auront sur le rétablissement de la confiance. Mais ça ne suffira pas. Ce changement de climat, il faut aussi soutenir l'activité. J'en viens à ce que je vous disais sur le soutien de l'activité des entreprises et sur la lutte pour l'emploi. Je serais surpris que par un coup de baguette magique, tout s'arrange brusquement et rapidement. Il faut que nous soyons volontaires, patients et optimistes. Bonjour François Hollande. Bonjour. Votre lecture, votre analyse des décisions annoncées hier soir. On a fait quoi hier soir déjà ? Aucune idée. Est-ce que les bonnes mesures ont été prises ? On vient de garantir le crédit pour les banques. Eh bien, il faut faire la même chose pour les particuliers et pour les entreprises. Il faudrait se remettre dans l'état d'esprit où on était hier soir. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans un système où c'est le système financier et bancaire qui, lui, est garanti et... Et comme ça, on pourra retrouver notre piste. Les entreprises, les particuliers, de leur côté, qui ne sont soumis qu'à l'aléa et au risque. Ça me paraît évident qu'on y était. Deuxième proposition, il faut soutenir l'économie. Oui, on serait vraiment trop nuls comme mec d'avoir oublié ça. Ouais. Ce que je propose donc, c'est que sur l'investissement privé, que l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, soit baissé quand le bénéfice est investi et relevé quand le bénéfice est distribué aux actionnaires. C'est un peu austère ici aujourd'hui, non ? Tout de même, il manque quelque chose. Et Nicolas Sarkozy l'a dit cet après-midi, l'objectif évidemment c'est d'aller vite. Oui, apportez-nous plus d'appareils, voulez-vous ? L'engagement de l'État est considérable, de l'ordre de 360 milliards d'euros au total. Cet engagement massif est à la hauteur du problème auquel nous sommes confrontés. En offrant la garantie de l'État, nous pouvons espérer mais ne pas avoir à faire supporter aux Français le coût exorbitant qu'aurait une défaillance de tout le système bancaire. Nous avons choisi d'aller vite. Nous aurons, avant la fin de la semaine, les instruments législatifs qui nous permettront d'assumer toutes les conséquences opérationnelles de nos décisions. Tu entends ? C'est le vent du changement. Nous ne pouvons pas voter pour une telle politique qui, aujourd'hui, ne règle pas les causes ni les conséquences de la crise économique et financière. Ça me plaît, ça me plaît. Quelle gueule, ça a beaucoup gagné. Ce n'est donc pas le contribuable qui va payer, mise au point forcément obligatoire hier soir sur TF1 du Premier ministre, François Fillon. J'ai jamais su mentir. Donc on peut considérer, un, qu'il n'y a pas de risque pour les contribuables, et deuxièmement, que si les choses se passent normalement, parce que cette crise, elle aura une fin, le contribuable peut gagner de l'argent dans cette crise. Mais lui, c'est un pro. Pas de hausse d'impôts. Aucune hausse d'impôts et aucune augmentation de dépenses publiques. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Parce qu'on n'a plus un sou et qu'il n'est pas question que je te donne l'argent que j'avais économisé pour m'acheter de la bière. Ah mais non ! pas question de filer l'argent qu'on avait économisé. Parce que voilà la grande question du moment. D'où viennent-ils, bordel, ces centaines de milliards d'euros apparus pour sauver notre si solide système financier ? Eh bien, pour t'épargner les réponses tellement compliquées qu'on nous balance en ce moment, histoire de bien nous faire comprendre que bon, on est bien gentil, hein, mais on n'y connaît rien, la panique va te dévoiler maintenant d'où vient réellement cette thune. En effet, lors d'une petite réunion de famille dimanche dernier, avec son épouse Carla et son fiston Jean, Nicolas Sarkozy a trouvé la solution. Allez, c'est décidé, on le fait. Quoi donc, papa ? Un hold-up. Un hold-up, la banque en face, un hold-up. Écoutez, je vous dois la vérité. Toutes nos économies, la réserve. Comment ? Disparu. Il n'y a donc plus de thunes dans les caisses de l'État. Nicolas Sarkozy se précipite alors pour expliquer à son amie Angela, la chancelière allemande, son projet fou pour sauver le monde de la crise financière. Mais Angela Merkel est un peu sceptique. A-t-elle bien compris ? Ce que veut Nicolas, c'est... C'est un hold-up. Ouais, c'est un hold-up. Un hold-up. Un hold-up. Ah ben ouais, mais aux grands mots, les grands remèdes. Nicolas Sarkozy a donc décidé de faire un hold-up pour récupérer des milliards et les réinjecter dans le système bancaire et ainsi éviter la faillite générale. Angela est très très circonspecte, mais Nicolas la met face à ses responsabilités. Mon petit, vous voici parvenu à un tournant de votre existence. Faites bien attention à ce que vous allez répondre. Êtes-vous pour ou contre nous ? L'heure du choix a sonné, mon enfant. C'est par ici qu'ils même me suivent. Bon, ben, Angela se dit que, de toute façon, elle n'a plus trop le choix. Tous les dirigeants européens vont suivre le mouvement. Et puis, Nicolas, il a expliqué à tout le monde que... Seul le crime, seul le crime paye. Aucun remords pour mes péchés, tu me connais. Je suis assez bestial pour de la monnaie. Les manques maniés, la scie pour des billets. Si t'entendais... Seul le crime paye. Si t'as pas de fils, repose en paix. Je suis hors la loi, devant elle, je veux pas ramper. Comment mépriser l'argent quand tu n'en as pas ? Le crime est un piège, mon Dieu, j'ai mordu la part. Ouais, et puis en plus, ce n'est pas nous les voleurs, c'est les banquiers, s'écrie Nicolas Sarkozy, qui a déjà mis son plan en œuvre. Il faut creuser un tunnel qui va conduire directement à la salle des coffres de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Allez hop, Carla, Angela, au boulot. Les femmes, prenez les pecs, dégagez-moi ça tout de suite, allez. Et la terre ? Quoi, la terre ? Bah oui, la terre qui est là, où est-ce qu'on va la mettre ? Et ça n'est encore que le commencement ? Si personne n'a pensé à ça, il y a comme un défaut d'organisation. C'est exact, nous avons négligé un des aspects du problème. Mais mon chéri, on débute, on va s'améliorer. Allez hop ! Il faut agir et creuser plus pour gagner plus. Sauf que voilà, le travail de la mine, ce n'est pas trop la spécialité de notre famille présidentielle qui se sent d'ailleurs beaucoup plus à l'aise avec les maîtres des forges. Si bien que quelques étés plus tard, Nicolas et Jean Sarkozy vivent un peu leur germinal. Allez, tire sur le veau. Je tire. Non, c'est ça le veau, ça c'est la sapine. Enfin, allez, honte, allez, Papa, elle est coincée. Mais c'est pourtant vrai, t'as plus de main d'œuvre. Alors c'est fini cette sieste. Allez. Et c'est la cata pour Carla et Angela qui doivent évacuer avec Nicolas et Jean Sarkozy cette galerie qui s'effondre. C'est un drame. Le projet de Nicolas d'attaquer la Banque Centrale Européenne afin de trouver des milliards pour sauver le monde vient-il de s'écrouler ? Mais non, car il est plein de ressources, notre hyper-président, qui décide maintenant d'utiliser simplement une autre méthode sur d'autres épargnants. 9h, 5 minutes. On est entré dans la banque. Vite. 9h08. voiture, je la connais pas. Dédé sort son attirail. 9h09. La serrure vient de céder. 9h09. Dédé tourne la poignée. Mais qui est ce Dédé qui tourne la poignée? Eh bien, évidemment, c'est Dominique Strauss-Kahn, Dédé la finance, le patron du FMI et plus si affinité, hein, coquin, venu prêter main forte à notre Nicolas. La fine équipe a tout juste le temps de partir avant l'arrivée de la police, mais bon, rassure-toi, ça se serait sans doute très bien passé. Quant à Carla et Angela, qui poirotaient devant la banque, elles accueillent leur valeureux héros et leur demandent comment s'est passé ce braquage. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre-fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue, v'là du dul qui s'écrie, les mecs on est marrons. Les poulets grouillaient comme un houdon un jour de foire. L'amnésique émue s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. Ah, bah si y a le Figaro, alors c'est que tout va bien pour M. Sarkozy et ses amis. Voilà, tous les amanches rentrent peinards dans leur pénate, et Nicolas se dit qu'il va falloir penser à mettre de côté une partie du magot. En effet, en octobre 2007, le salaire présidentiel avait augmenté de 172%. Et en un an, les frais élyséens ont grimpé de 25%. C'est énorme. Et un des arguments avancés pour expliquer cette hausse, c'est que le nombre de lettres auxquelles doit répondre l'Élysée a doublé. Ainsi, des gens se plaignent et racontent leurs petits problèmes. Car notre président Sarkozy, en plus de sauver le monde, il doit s'occuper des malheurs à notre porte. Il le doit. À notre porte, le malheur existe. Mais nous ne le savons pas toujours. Ainsi, à quelques kilomètres d'ici, il y a une maison. Dans cette maison, une petite fille. Cette petite fille, elle a un rêve. Elle voudrait faire du cirque, faire du trapèze, marcher sur les mains. Mais ça, hélas, elle ne le peut pas. Elle est née en effet, j'ose à peine le dire, sans doigt. À notre époque moderne, ce mal n'est pas irrémédiable. Elle peut guérir, mais l'opération coûte cher. Déjà, Jean Ferrat a apporté sa contribution personnelle, et nous l'en remercions, en lui dédiant sa chanson « Que serais-je sans doigts ?» en espérant qu'elle pourra un jour retrouver avec ses doigts le bonheur qui n'aurait jamais dû la quitter. Super. Tu bois un truc ? De ce que tu veux, mais juste un doigt. Juste un doigt ? Ah ben, c'est raisonnable. Bon, maintenant on le sait, quand il le veut, l'État peut sortir comme ça près de 360 milliards d'euros. C'est à se demander comment les 8 milliards qui manquent à la sécurité sociale ou les quelques millions du RSA peuvent poser autant de problèmes. Parce que cette crise financière, au-delà d'affoler les plus riches, montre combien ces gens-là sont capables de se mobiliser quand leurs intérêts sont touchés. Oui, cette petite organisation du monde, ça peut énerver. De quoi avoir envie pour se calmer, d'aller prendre l'air. Prendre l'air, parler à quelqu'un, avoir l'air d'aller plutôt bien. Déjeuner, y penser au moins, tenir. Debout et demain, décoller de mon traversin. Faire une liste de trucs qui vont bien. M'y tenir, essayer au moins, tenir. Debout et demain, prendre un thé et puis prendre un bain. Me coiffer, essayer au moins. Balancer tous ces vieux machins, tenir, debout et demain. Plus de choc et plus de prières, moins de clopes, plus de somnifères. Refaire la chose que je préfère, tenir, debout et demain. Appeler quelqu'un qui m'aime bien, l'étonner. Changer de refrain, l'inviter, ranger plus ou moins, tenir. Debout et demain, mettre une robe, saluer le voisin, essayer de plaire à quelqu'un, m'amuser de tout et de rien, tenir. Debout et demain, tam tam ta do ta di da. Demain, c'est donc le jour préféré de Berry. Mais demain, le 20 octobre donc, du Baberry à Long Beach, le monde entier va célébrer l'anniversaire du rappeur californien Snoop Dogg. Happy birthday, Snoopy. Alors, après avoir découvert comment nos dirigeants européens ont amassé ces centaines de milliards, passons dès à présent à 11h26, à notre séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, tu l'ignores peut-être, mais nous avons appris cette semaine que le jeune écrivain italien Roberto Saviano, l'auteur du sublime Gomorra, un livre à charge contre la mafia napolitaine, aurait dû être exécuté avant Noël par les porte-flingues des parrains de la Camorra. Eh bien, en écho, figure-toi, à cette actualité de barbouzes italiens, les fantômes de l'INA ont vu débouler mardi dernier deux curieux chasseurs de mafieux. Alors, écoutons religieusement ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, l'atmosphère était à l'orage. Depuis mardi, une terrible chape de plomb s'est abattue sur les archives. Pourquoi ? Il vaut mieux ne pas trop en parler. Mais à l'INA... Nous avons la criminalité la plus forte du monde, une organisation criminelle qui s'appelle Mafia. Il y a dans ce mot des échos de mort, de violence, d'extorsion, de torture. Personne ne saurait échapper à son emprise. C'est alors qu'une agence de sécurité un peu louche est venue nous proposer ses services. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit ? Ça illustre déjà un certain nombre de phénomènes inquiétants. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier ? Alors si les Français sont inquiets, ils ont raison. Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. On tue, on enlève, on assassine. Non pas pour des grandes causes, mais tout simplement pour l'argent. Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Le premier à subir leur interrogatoire s'appelait Camille Ferri-Pisani. Ayant à écrire un reportage sur la prohibition des boissons alcooliques aux États-Unis, je m'étais embauché en 1924, non pas comme noble, ce qui signifie tueur, mais comme simple rum runner, c'est-à-dire contrebandier, dans l'organisation Capone, le grand bootlegger américain. Que d'aventures extraordinaires à cette époque! J'avoue que bien que peureux par nature, j'ai trouvé dans cette existence d'hors-la-loi amateur des émotions intenses. En voici une. C'est un comportement mafieux. Et il faut que ça se sache. Et quand on est aux prises avec la mafia, avec le crime, on doit l'éradiquer. Le second suspect était le poète Blaise Sandrars. Est-ce que vous l'avez rencontré, Al Capone ? Oui, j'ai rencontré Al Capone. À Chicago ? À Chicago. Et à Miami aussi, lorsque vous non, êtes non, non, non, à Chicago. À Chicago, oui. Mais c'était au moment où il exerçait sa... Enfin, sa toute puissance, sa baronnie puissance. De la bière. Ah, la baronnie de la bière. J'ai rencontré le baron de la bière. C'était pire qu'avant. Tout le monde se sentait soupçonné. Alors Pierre Lerouzic a tenté de détourner l'attention des deux agents de sécurité. Quelques nouvelles, Pierre Lerouzic, des Nouvelles. Oui, on nous annonce de New York la sortie d'une nouvelle voiture qui va intéresser un certain nombre de Parisiens. C'est une voiture qui s'appelle la Mafia et qui, comme son nom l'indique, est destinée aux gangsters. Très innocente d'aspect extérieur, elle est entièrement doublée acier riveté main, vitres polarisées et blindées qui permettent de voir de l'intérieur, mais pas l'intérieur. Pneus increvables, réservoir d'avions de chasse en matière plastique, petits créneaux amovibles pour tirer dans tous les sens, prix 20 000 dollars, soit une bonne dizaine de millions, il paraît qu'on se bouscule déjà au guichet pour l'acheter. Alléchés par cette magnifique voiture, les agents n'avaient qu'une idée en tête, partir pour New York. Alors ils ont bâclé l'enquête, en tirant une conclusion hâtive d'un témoignage douteux. J'ai l'impression qu'il y a une mafia de la viande, comme dans beaucoup de choses. Par exemple, pour deux, une blanquette, il m'a fallu 700 francs dernièrement, alors qu'il me semble qu'il y a un an seulement, avec 400 ou 500 francs, on en avait bien assez. Et pour la suite, rendez-vous prochainement sur vos écrans. Dans la série des Corruptibles, nous vous présentons le remède qui tue. Les affranchis, avec Marlou Brandou dans le rôle du Guatemala 12 dents et Mati Broudrouk dans celui du Petit République à 10 centimes. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un timbre. Merci Flora Bernard pour ce récit spatio-temporel où les frontières entre le mal et le bien demeurent pour le moins très floues. Au passage, sache que dès demain, en Calabre, s'ouvre le procès des 43 mafieux impliqués dans l'effroyable tuerie de Duisbourg en août 2007. Et Berlusconi a promis d'éradiquer la criminalité organisée. Eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à le croire, dis donc. Enfin bon, changeons de calibre et passons dès à présent à nos incroyables manigances locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboule-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h32, il est temps en effet de retrouver nos deux glorieux héros de la guerre de récession, Jean-Claude le pirate et Monique, sa fiancée. Et avant tout, sache que dimanche dernier, comme sur une large partie du territoire national, le ciel bleu de l'automne offrait à Grosboule-les-Bains les douceurs d'une langueur monotone. Ainsi, après avoir écouté Panique au Mangin Palace, bien sûr, Monique et Jean-Claude en ont profité vers midi et demi pour aller faire le marché tous les deux en amoureux, car c'est le seul jour de la semaine où ils peuvent passer un peu de temps ensemble. Chemin faisant, ils se sont même assis paisiblement sur un banc public pour profiter durant quelques minutes des radieux rayons du soleil. Quand soudain, Monique aperçut devant eux un type bizarre qui traversait le jardin. Intrigué, Monique interrogea Jean-Claude. Où va-t-il ? À la Société Géniale. Un banquier ? Non, un client. À quoi pense-t-il ? Il pense qu'il a bien fait de couper par le jardin. Qu'il fait beau. Il pense aux questions qu'il posera à son banquier sur les placements européens. Il pense que l'Europe, c'est encore un peu abstrait. Et lui, où va-t-il ? À la Société Géniale. Un banquier ? Oui, c'est le banquier. Lui, il pense à Londres, à Francfort, à Madrid, à Milan. Il pense qu'il a bien fait de ne pas passer par le jardin. Il pense que l'Europe, c'est très concret, que la Société Géniale est bien placée pour les placements. C'est idiot, mais ça le fait sourire. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Hein ? Ah ben là, c'est dimanche, donc ils sont trompés de jour, c'est fermé. Oui, c'est dimanche et c'est fermé. Car à Grosboule-les-Bains, heureusement, dit Monique, on ne travaille pas encore le dimanche, bordel. Manquerait plus que ça. Déjà que tout le monde trime pour qu'il reste à peine quelques modestes roupies à la fin du mois. Alors franchement, ça suffit. Quand on nous laisse le dimanche pour profiter un peu de la vie, dit Monique. D'ailleurs, selon elle, faudrait même aller plus loin. Pour une fois, Jean-Claude est entièrement d'accord avec Monique. Autoriser le travail le dimanche, c'est une manière supplémentaire de culpabiliser le temps des loisirs, se dit Jean-Claude. Cela dit, à Malingreville, la commune limitrophe de Grosboule-les-Bains, depuis plusieurs mois déjà, ils sont passés outre ce que Dieu lui-même avait imposé pour se reposer. Et, par curiosité, Jean-Claude proposa à Monique d'aller se balader au centre commercial afin de constater ce qu'offre l'autorisation du travail le dimanche. Direction donc Malingreville. Arrivés au centre commercial de Malingreville, le Germinal Center, Monique et Jean-Claude déambulent de boutiques en échoppe, mais sans rien dépenser bien sûr puisqu'ils n'ont vraiment plus une thune. L'ambiance est familiale et ils constatent rapidement qu'il y a en effet beaucoup d'employés qui taffent ce dimanche, mais a priori sur la base du volontariat. Jusqu'à ce que Monique entende la curieuse conversation entre deux responsables d'enseignes commerciales bien connues. Je crois que nous avons des esclaves qui t'intéresseront. Ceci ? Ils sont tout juste bons pour les vautours. Celui-ci n'est pas mal. A-t-il la force de descendre ici tout seul? Approche-toi, descends. Descends! Veux-tu avoir l'obligeance de me montrer sa dentition? Ouvre la bouche. Fais-moi voir tes dents, je te dirai qui tu es. Et cette mâchoire est absolument impossible. Ce misérable est fait de craie. Nous en avons d'autres, beaucoup d'autres. Monique est outrée par de tels propos, mais elle se dit que forcément, sous la pression d'un patron, le volontariat n'est qu'un leurre. Et si on légalise le travail le dimanche à Grosboule-les-Bains, sûr qu'au final, tout le monde va devoir aller au turbin le jour du Seigneur. Ce à quoi Jean-Claude Fataliste lui répond que... La vieille société sûrement n'existera plus. Un monde nouveau va naître. Mais les inégalités ne disparaîtront pas pour autant. Il y aura toujours des gens plus intelligents que d'autres qui s'engraisseront sur le dos des faibles. C'est sans solution. Déprimée par cette sombre perspective, aussitôt, Monique décide de rentrer à la maison. C'est alors que Jean-Claude lui murmure qu'il la rejoindra plus tard. Pour l'instant, il vient d'avoir l'idée d'une petite activité dominicale rémunérée. Et immédiatement, il se rend chez le quincailler de Malingreville, dans un premier temps, juste pour faire de la monnaie. J'ai besoin de quelques billets. Tiens, voilà 2 billets de 5. Merci, le ciel te les rendra. J'aurais aussi besoin d'une pince. Une pince? Pourquoi faire? Pour prendre de l'argent dans l'orifice d'un tronc. Natron? Natron d'église, peut-être? Sacré farceur. Tu bricoles encore chez toi, hein? Tu refuses toujours de travailler. Toujours. Mais comment vas-tu faire pour croûter? Le ciel y pourvoira. Oui, dont Jean-Claude a décidé de bosser dimanche dernier, essentiellement pour se faire les troncs de l'église de Malingreville. Bon, après tout, c'est la guerre de récession. Pendant qu'Arsène Lupin opère, Monique est arrivée à la maison où elle raconte à sa fille Elsa l'horreur de ce qu'ils ont vu avec Jean-Claude à Malingreville. Ce à quoi Elsa lui répond que franchement, c'est quand même bien ringard de ne pas vouloir bosser le dimanche. Monique n'en croit pas ses oreilles. Répète un peu ce que tu viens de dire. On peut pas vivre sans rien faire. On aurait du pain au moins. Le premier de vous autres qui travaille, je l'étrangle. Maman, ils promettent sur l'affiche. Fous-moi la paix avec ton affiche. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Même cette maison est à eux. Eh oui. Pour faire face à la crise, la semaine dernière, sache que Monique et Jean-Claude ont même dû hypothéquer leur baraque. Enfin bon, vers 16h30, ce fut le retour du Jean-Claude cambrioleur à la Casbah. Et Monique voulait absolument savoir si son opération avait fonctionné. Alors, Notre-Dame de la Gare, tronc Saint-Antoine. Tronc Saint-Antoine, 40 francs. Tronc Saint-Joseph. 60 francs. Tronc Saint-Éloi. Ah, 5 francs seulement. Mais il marche pas, celui-là. Il est à l'abandon. Pas éclairé, sale. Alors je vais le fleurir, lui allumer des cierges, mettre des pièces dans son tronc, investir en somme pour lui et pour moi. Je vais le lancer, et quand il sera à la mode, on le priera. Et tout le monde en profitera. Eh ben, au moins le Jean-Claude a développé une activité dominicale plutôt fructueuse. Sauf que Monique commençait à ressentir de profonds remords d'avoir pillé les troncs d'une église. Oh, Jean-Claude lui proposa plutôt de profiter de leur fin d'après-midi. C'est un dimanche après-midi, l'on corse nous sur le tapis. C'est un dimanche après-midi, l'on corse nous sur le tapis. Après cette sieste crapuleuse, là encore un bonheur dominical à préserver, Monique et Jean-Claude s'endormirent paisiblement. D'autant qu'ils avaient récupéré un peu de liquidité pour la semaine à venir. Fin de l'histoire. Cela dit, durant sa sieste dominicale, Jean-Claude fut victime d'un drôle de rêve assez oppressant. Il habitait dorénavant à Malingreville et forcément, désormais, le dimanche, il devait pointer à l'usine afin de bosser pour un type qu'il ne connaissait même pas. Qui êtes-vous ? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1 ? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. The most tender place in my heart is for strangers. I know it's uncanny, but my own blood is... is much too dangerous. Hanging round the ceiling half the time. Hanging round the ceiling half the time. Compared to some I've been around, but I really tried so hard. That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. In the end, I was the mean girl, or somebody's in between girl. That is the devil I love, and that's as funny as real love. I leave the party at 3 a.m. alone, thank God. With a Valium from the brow, it's the devil I love. And that's as funny as real love. And that's as real as true love. Chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. That echo chorus lied to me with its hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on, c'est le nouveau titre de l'increvable Marianne Faithfull. Hold on, autrement dit tenir bon, ce fut aussi l'attitude de Raymond Domenech ces derniers jours, sifflé par la presse. Parce que Raymond, il en a vraiment plein le... Enfin, il a les fesses full, quoi. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, toujours en direct du Manche à Palace à 11h43, il est l'heure de découvrir notre petit reportage Made in Panic, évidemment consacré au merveilleux univers du luxe, du calme et de la volupté. Et cette semaine, notre facétieux reporter, monsieur Julien Dugast, s'est lancé sur les traces de la ruée vers l'or afin de mieux en comprendre les subtiles conséquences. Après la virgule, découvrons ensemble comment, face à la mouise de la crise, les pratiques de Mergrand et de ses badelaines sont graves sur le retour. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il ? Si j'avais une petite, petite fortune. Je ne t'apprends rien, auditeur de panique. Le capital, c'est foutu. La cinquième, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. C'est fini, et du coup, les nantis n'ont plus confiance dans l'argent. Résultat. L'or s'achète en masse chez les négociateurs. Perturbés par la crise financière, les épargnants se pressent, en toute discrétion, chez les professionnels de l'or. Seulement voilà, une fois tes billets transformés en lingots, il te faut les mettre à l'abri. Et comme tu n'as plus confiance en ton banquier, tu décides de tout planquer chez toi, même si tu sais que... Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et pour adoucir cette peine, tes lingots, tu dois protéger, cacher, sécuriser. Est-ce qu'on peut dire que vous tenez la boutique à la mode du moment ? Bah effectivement, en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt sur les coffres, savoir combien ça coûte... Et un petit peu plus de vente aussi au niveau des coffres-forts. Un fabricant de coffres-forts, un gros malin celui-là, s'était avisé de dissimuler un solide coffre-fort en lui donnant l'aspect d'un meuble qui n'attirerait pas les yeux. La demande des clients, même si c'est pas tout à fait clair dans leur demande, à part un ou deux clients qui sont ouverts, mais sinon, c'est, je pense que c'est pour mettre des lingots ou des espèces carrément... de valeur assez importante. Je te vois venir, auditeur. Tu t'imagines déjà braquer les coffres-forts des grands-mères pour leur shipper leurs lingots. Hé, l'ami, calme-toi. On n'est pas au Far West non plus, hein. Le coffre-fort ne suivra pas le corbillard, même avec de grosses couilles en or. J'imagine que les mesures de sécurité sont tout à fait adéquates. Du moment que votre argent sera là-dedans, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions sur la sécurité des coffres ? Oui, effectivement, à partir du moment où c'est un coffre-fort qui est agréé, donc il a une bonne résistance anti-chalumeau, anti-découpe, anti-pince Monseigneur, donc c'est des coffres qui ne s'ouvrent pas comme ça si facilement que ça, donc il suffit de l'expliquer aux clients. Qui es-tu ? L'homme qui pourra ouvrir ton coffre-fort. Quel coffre-fort? Le coffre-fort d'El Paso, tu auras recours à moi. N'importe comment. N'importe comment? J'ai un système excellent pour l'ouvrir sans abîmer l'argent. Ton idée d'employer la dynamite ne vaut rien et elle est dépassée. Ouais, mais finalement, cette crise pourrait nous amener à une autre solution que tous s'équiper de coffres-forts. Et si après le câlin gratuit, le free hug, le bisou pouvait devenir une monnaie? Je vais laisser ça à... À nettoyer? À nettoyer, ouais. À quel nom? Du Gast, des UGST. Je vais pas pouvoir payer en argent à cause de la crise. Bah ouais. Du coup, je peux payer en bisou ou pas? Ouais, comme vous voulez, comme vous voulez. Alors oui, si comme nous, tu n'as point d'or au coffre-fort, eh bien voici donc la nouvelle monnaie lancée par le Mangin Palace. Elle est à toi, elle t'appartient. Désormais, tu peux essayer de tout payer en bisous. Une pratique altruiste qui n'aurait sans doute pas déplu à saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église au XIIIe siècle, et qui fut le théoricien de la condamnation du chryso-hédonisme, autrement dit du plaisir que tu peux tirer des profits de l'or, le chryso-hédonisme. Oui, le business aurifère, évidemment, n'appartient pas à la catosphère. Encore qu'aujourd'hui, tout fout le camp, hein, car même le Vatican cherche à prospérer sur la crise, bon sang. Jésus multipliait les pains. Vous pouvez multiplier votre capital grâce à la banque d'escompte pour l'aviation et l'industrie. Croissez et multipliez, a dit le Seigneur. Si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais plein d'objets sans fil. J'achèterais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterais un stylo, je t'achèterais un cahier. Peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait acheté. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterai des boîtes en plastique. J'achèterai une tente Quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je t'offrirai le TER. Je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de bébé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh. Si j'avais le pouvoir d'achat, je m'abonnerais à la piscine. Puis j'irais chez le podologue faire soigner ma verrue. Je m'achèterais un barbecue avec un allume-barbecue. Je m'achèterais un Rottweiler pour protéger mon barbecue. Excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas et un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus, toujours un peu plus. La la la la la. Super pouvoir d'achat, c'est ce que réclament les formidables farfelus de la chanson du dimanche. Et en parlant de dimanche, dis donc, Figure-toi que la semaine dernière, le journal du dimanche a, comme par hasard, a sorti un sondage disant qu'une majorité de Français voulaient bosser le dimanche, justement, le jour même où Xavier Bertrand, ministre du Travail, et Luc Châtel, secrétaire d'État à la consommation, se sont rendus dans un centre commercial du Val-de-Marne pour vanter le travail du dimanche. Quelle belle coïncidence! SLC, salut les copains! Alors maintenant, à 11h51, afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel à l'actualité de la semaine, Monsieur Mauduit, ici présent, se charge pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, quoi de neuf cette semaine, camarade ? Bien Philippe, on l'a tous constaté cette semaine, ce qui domine, c'est la course de fond, voire l'ultra-fond. Alors je ne parle pas du système bancaire qui lui touche le fond, bien sûr, je pense au grand coureur de fond du moment, à savoir Nicolas Sarkozy, bien sûr. En tout cas, c'est de cette manière que nous le présente le grand quotidien sportif, le Figaro. Car dans son édition du 17 octobre de vendredi donc, le Figaro admire ce forçat du bitume qu'est notre président, dans un article élogieux intitulé « 3 sommets en une journée pour Sarkozy ». En effet, pendant son petit séjour en Amérique du Nord, Nicolas Sarkozy a réussi l'exploit en une seule journée de faire, attention, au déjeuner le sommet Union Européenne-Canada, puis FISA, la rencontre bilatérale France-Québec, et ensuite le sommet de la francophonie avant de partir à Camp David rencontrer président Bush. Ouf, c'est clair, il bouge beaucoup, il remue sans cesse Nicolas Sarkozy, et ça plaît énormément au Figaro qui le trouve très actif, très dynamique, training, et voyez, moi j'aurais tendance à dire trépidation quoi. Bon, Philippe, face à cette course effrénée, pour mieux comprendre Nicolas Sarkozy, je me suis plongé... Sarkozy avec un Z, oui, avec un comme Z, dans Gazette, la plus au point, celle qui analyse l'action de notre président. Je veux parler bien sûr de jogging international. Ah, le magazine numéro 1 du plaisir de courir et de la forme. Parce que dans ce canard, il y a ce mois-ci un dossier spécial sur la sortie longue, avec cette question majeure. Faut-il l'allonger, la supprimer ou la remplacer ? La sortie longue ? Eh oui, c'est quoi la sortie longue ? Eh bien, c'est simplement un bon gros footing de plusieurs kilomètres. Ah. Alors, que nous dit Jogging International, le magazine numéro 1 du plaisir de courir et de la forme ? Eh bien, il nous dit qu'il faut écouter les signaux envoyés par notre organisme, comme, je sais pas, des tics nerveux, par exemple. Oui. Ou encore qu'il faut rendre ces longues sorties plus gaies. En jouant, nous dit-on, avec son matériel, par exemple, tu titilles ton porte-bidon, t'es tout content, ou tu peux écouter de la musique. Mais ils disent bien dans le Jogging International qu'il faut veiller à ne pas se laisser, rentraîner sur un faux rythme. Attention aux liaisons du genre. Tu désengages l'État du service public de proximité, mais tu verses des milliards pour sauver la haute finance. Ça, c'est un faux rythme. Ah, attention, faux rythme. Attention. Bon, rassurez-vous, Philippe, le gouvernement tient la barre. Puisque lundi dernier, Michel Alliomari, notre si pimpante ministre de l'Intérieur, s'est rendu dans une classe de CM2 pour remettre à quelques élèves leur permis piéton. Ah. Alors non, ça ne s'invente pas, c'est le Parisien qui nous raconte la visite. Une vingtaine de mômes tétanisés qui voient débarquer en plein mois d'octobre la mère fouettarde. Oh, c'est pas cool. Alors, comment s'est passée la visite ? Eh bien, la ministre a essayé d'entamer la conversation avec les mioches, du genre « Tu es content ? » « Ah oui. » « T'as appris des choses ?»« Oui. » »« Tu fais attention quand tu traverses ?»« Oui, madame. » »« Oui, bon, enfin, aucun môme n'a parlé, quoi. La prochaine fois, elle leur enverra la BAC, c'est beaucoup plus efficace. » Alors, tous les mômes ont reçu leur permis piéton avec dessus le magnifique logo de la préfecture de police. Et voyez, c'est clair, on sent bien qu'en ce moment, si la bourse fout le camp dans la société, c'est Foucault, puisque le mot d'ordre, c'est surveiller et punir. Un permis piéton pour des mômes de 8 ans, mais c'est bon ça pour cadrer un individu dès le plus jeune âge. Fallait oser l'inventer, hein, le permis de marcher. C'est quand même utile, parce qu'à l'évidence, les jeunes, ah, faut s'en méfier, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté cette semaine Janet Lane, une grand-mère de 68 ans, infirmière à la retraite, alors qu'elle était peinarde assise sur un banc à Torquay dans le Devon, c'est-à-dire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Mm-hmm. Que s'est-il passé? Eh bien, trois jeunes loupards lui ont tiré son sac à mamie. Sauf que manque de bol pour eux, Janet est une ancienne championne de cross-country. Alors elle s'est pas démontée, elle a cavalé derrière les gamins qui ont tenté de fuir, sauf que mémé, elle a réduit l'écart, elle les a rattrapés, ils ont balancé le sac, c'est énorme. C'est magnifique. Ben oui, vous voyez, vrai, cette semaine, le mot d'ordre, c'est vraiment courir comme des dératés. Et d'ailleurs, à Lincoln, dans le Nebraska, les cours de justice ont dératé. C'est le Lincoln Journal Star qui raconte ça, il en fait ses choux gras. Un juge vient de débouter, Ernie Chambers. Alors Ernie Chambers, c'est le sénateur du coin qui avait porté plainte contre Dieu. Non. Ah, rien de moins que ça. On peut porter plainte contre Dieu. Eh oui, parce que pour Ernie... Faudrait que j'y pense. Ernie Chambers, lui, il dit, oh, Dieu, il a causé la mort de millions et de millions de terriens. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est que la plainte a été rejetée. Elle a été considérée irrecevable par le tribunal qui a estimé qu'on ne pouvait pas convoquer Dieu à l'audience parce qu'on ne connaît pas son adresse. On s'est débrouillé une fois. Ben oui, donc on ne connaît pas son adresse. Alors, in God we trust, mais l'antisocial Ernie Chambers, il est très adroit et il a répliqué que puisque le tribunal reconnaît implicitement l'existence de Dieu, la plainte est recevable puisque Dieu est... Partout. Génial. Et oui, Ernie ne compte pas en rester là, mais nous, on sait bien que et c'est l'automne et il va se ramasser à l'appel, à l'inverse des banques à qui, en ce moment, on distribue des milliards à l'appel. Merci, Mauduit, pour cette revue de presse au pas de course. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 133e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter pour de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Manche à Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, au platine, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, le maestro Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Ronan Mahé et de Michel Thomas. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast et Yvan Beaujolais. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie. Également vivement, merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. Voilà, la journée continue sur France Inter après le flash. Vous retrouvez Olivia Gesbert et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique. Et en direct dimanche, toujours à 11h sur Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.